c'est trop du ballon. On continue tout de suite avec le rappeur préféré des scouts. C'est lui dont la maman a dû lui dire ne rappe pas la bouche pleine. Voici MC Chamallow. Bonjour. Salut man, MC Chamallow. Bah enchanté. Ouais. Voilà. Bien, t'as vu? Oui. Oh, j'ai déjà lâché des pets d'un flow. Hein? Ouais, t'as un petit Chamallow au micro. J'ai pas compris. Ouais. Ah, je vais me poser là. Ah, vous en mettez partout quand même. MC Chamallow. Ah, ouais. Donc, il rappe la bouche pleine. MC Chamallow en direct sur Rapagogo. Alors, j'ai pas apporté mes Chamallows parce que j'en ai déjà dans la bouche. Hein? On dirait qu'il est gros mot, mais il y a des gens qui sont salous. Voilà. Mais moi, ce que je parle d'urgence, c'est qu'il faut me thérapier maintenant. Pardon? Non, juste me rappeler qu'un Chamallow, comment c'était bien. J'ai dit, j'ai attaqué, je vais rappeler au moins jusqu'à demain. J'ai pas compris. Mais quand je me suis réveillé, ça fait des années qu'est tout le paquet. Oui. Vous savez, il y a un truc pas sorti d'un CD de mer à faire de la terre. Bah ouais, mon gars, mais là, ils me font mousse parce que j'ai des Chamallows dans la bouche. MC Chamallow au micro. Je reviens dans 5 minutes et je vous lâche des becs de flotte. Pas compris.